100% rap français, planète rap. La Nocturne. C'est parti pour la Nocturne, coup d'envoi sur Skyrock, minuit 1. Nocturne en avance avec monsieur l'homme pâle qui est là, comment va ? Yeah, très bien, merci pour l'invitation. Eh bah écoute, bienvenue, c'est ta Nocturne pendant une grosse heure. Parfait, on va passer un bon moment. Bah j'espère bien. Alors petite présentation de monsieur qui s'appelle l'homme pâle. Alors, moi j'ai vu un projet qui arrivait là il y a quelques jours, on peut dire maintenant. C'est ça, le 15, donc une dizaine de jours. Une dizaine de jours, qui est toujours dispo évidemment, qu'on peut télécharger tout de suite. Il est disponible sur iTunes, sur d'autres plateformes digitales et en back surtout. T'aimes bien le support physique. C'est toujours plus classique d'avoir un objet, c'est sûr. Ouais, je trouve. Bon, écoute, on va partager. Dites-nous un petit peu si vous avez récupéré le son de l'homme pâle. Envoyez les messages 41759 avec le hashtag La Nocturne. Je vois quelques têtes connues à tes côtés. J'en connais quelques-uns. Je suis venu avec les soldats de toujours. Je suis venu avec l'homme qu'on nomme Dooms, Morgan Fremont. C'est Morgan Fremont maintenant. Morgan Fremont, c'est son nouvel alias. C'est sûrement le définitif à mon avis. Tu t'es arrêté sur Morgan Fremont. Sur MF. MFD. On va voir comment ça va changer, ça va évoluer. Bon, est-ce qu'on peut faire une présentation de toi, l'homme pâle, un petit CV express, j'ai envie de dire, pour ceux qui te découvrent en ce moment. Ouais, exact. Je suis un rappeur parisien comme tant d'autres. Je viens du sud de Paris. Voilà, j'évolue depuis 5 années, un truc comme ça. Là, je commence à faire des trucs plus sérieux. Voilà, je sors mes CD en bac depuis 1 an et demi avec cette foutue perle qui est sortie l'année dernière. Puis voilà, sinon on a pu me voir aux côtés de cette école qui est représentée par toutes ces têtes comme l'entourage 1995, ouais. Voilà, tous ces gars-là qui Giorgio aussi. Bien sûr. Enfin bref, on est c'est simple à représenter. Voilà, certains nous connaissent. Et d'autres pas, et tant mieux, parce qu'on va aussi découvrir un artiste. Voilà. Un nouveau talent, entre guillemets. Sinon, juste pour toi, par rapport à ton parcours, donc région sud parisienne. Voilà, c'est ça. Poterne des Peupliers, Tolbiac. Le rap, il arrive à quel moment pour toi dans ta face? Tu le prends comment, en fait? Par quel artiste? Par quel morceau? En fait, on va dire que ça a toujours été là. Sans prétention, ça a toujours été là. Mais l'étincelle qui a fait que je l'ai déclenché, c'est quand tout simplement j'ai vu pour la première fois un pote à moi pratiquer devant moi, tu vois, qui m'a fait comprendre que tout le monde pouvait le faire. Enfin, pas tout le monde, mais je veux dire, n'importe qui, tu vois, t'as pas besoin d'instrument, t'as rien besoin d'acheter. Si tu veux essayer, libre à toi. D'ailleurs, je propose à tout le monde d'essayer, allez-y. Écrivez des rimes et vous verrez que c'est pas facile ce que je fais, voilà. Bon, on attaque ou pas? Parce que je pense que le mieux pour découvrir, c'est de balancer des morceaux. Est-ce que le DJ est prêt ou pas? Est-ce que DJ est prêt? Yep, a priori oui. Top 10 est prêt. Donc on attaque par quoi? Par un extrait de ce qui vient de sortir? Je sais pas, Top 10, tu veux, mec. Vas-y, vas-y, si on vient de me présenter, commence par un morceau à moi. Commence par le morceau qui s'appelle Toi et moi, qui est extrait de Seigneur, du coup, qui vient de sortir là. Ça, c'est dans les bacs, hein. On peut le trouver en support physique, je disais en téléchargement, mais ça t'a pas trop plu, donc allez plutôt récupérer le support physique. Non, téléchargez-le si vous le souhaitez. c'est juste que moi, c'est subjectif, je préfère. Mais t'as raison de préciser. Donc voilà, toi et moi, un morceau plein d'amour. Et ben voilà, on attaque tout de suite, coup d'envoi de la Nocturne, c'est l'homme pâle qui l'ambiance pendant une bonne heure ce soir. Quand je te regarde, mon amour, je me dis que t'es la plus mignonne, sans blague. Mais est-ce que tu continueras de m'aimer avec une pioche dans le crâne? Il n'y a que toi et moi, ne trouves-tu pas notre histoire passionnante? Malheureusement, mes sentiments ne peuvent sortir que quand la violence parle. Bébé, mon trésor, surtout ne sois pas gêné par le désordre et les notes d'impôt. Bref, j'ai peut-être mal géré ma belle offre. Je suis pas trop synchro, je voulais te dire combien je t'aime, mais aucun mot n'était assez fort. L'ennui c'est l'enfer, faudrait être fou pour faire durer le doute. Allez, je te propose un tour de roulette russe, c'est cool, je te trouve vraiment belle. Même après quelques coups de fourchette sur les joues, tu restes tellement belle, innocente. Et si je t'ai démoli trop dedans, je t'offrirai une paille pour ton sirop de menthe, digne d'un accueil d'honneur. Quoi? Mais arrête de pleurer, ton mascara risque de salir ton œil au beurre noir. Dommage. Mais qu'ensemble on se sent bien. Mais fais un effort pour parler, mon ange. Je comprends rien. Parfois je me sens furieux, tu vois. Mais tout va mieux dès que je pose mes yeux sur toi. Quand je te regarde, mon amour, je me dis que t'es la plus mignonne, sans blague. Sans blague. Mais est-ce que tu continueras de m'aimer avec une pioche dans le crâne? Section O. Il n'y a que toi et moi, ne trouves-tu pas notre histoire passionnante? Passionnante. Oh. Malheureusement, mes sentiments ne peuvent sortir que quand la violence parle. Rappelle-toi de notre première rencontre. On était jeunes, on était beaux, on restait fiers dans l'ombre, comme deux heureuses personnes. Maintenant la vie est devenue presque entièrement sombre, mais les pensées inquiétantes tombent vite quand je te serre fort. Poupée, continue de me fixer avec tes beaux yeux, ça me fait vibrer le corps comme un air mélodieux. J'ai que des flashs de toi dans le beau cerf. J'aime quand tu masses le soir dans le dos, et je sais que tu ne voudrais pas me voir en colère. C'est pareil partout, on dit que l'amour est un jeu drôle, mais toi tu préfères te plaindre, saute. Tu sais que je t'aime, et peut-être un peu trop. Je te vois comme un ange sous le soleil avec des cœurs autour comme dans un dessin de môme. Beaucoup pourraient nous jalouser, c'est vrai, mais il n'y a que nous deux pour savourer cette scène. Ta présence me ravive, donc je te présente le pari. Je t'offre mon amour éternel en échange de ta vie. Quand je te regarde, mon amour, je me dis que t'es la plus mignonne, sans blague. Mais est-ce que tu continueras de m'aimer avec une pioche dans le crâne? Il n'y a que toi et moi, ne trouves-tu pas notre histoire passionnante? Passionnante. Malheureusement, mes sentiments ne peuvent sortir que quand la violence parle. Je suis comme ça, ma puce. Il n'y a que toi et moi, plus que toi et moi, rien que toi et moi, juste toi et moi. Il n'y a que toi et moi, plus que toi et moi, rien que toi et moi, juste toi et moi. Il n'y a que toi et moi, plus que toi et moi, rien que toi et moi. Juste toi et moi, il n'y a que toi et moi. Juste toi et moi, rien que toi et moi. Juste toi et moi. I'm just playing, ladies. Ladies, you know I love you. Oh, yeah, lui saleté. Pour les têtes brûlées, tu piges les gros. Funky maestro. Yeah, Bosca, Franky, je sers, on dit quoi? Depuis l'époque de la 25ème, ils soutiennent les bombes, chicote au mic, hein, je veux dire prendre ce qui revient à droit, je vois le truc froid, c'est l'Ubisam lui-même. Qui m'aime, monsieur? Avec moi, y'a pas de dilemme, suis, y'a pas de timinique. Moi, je fais les bails en creux dans 4 timini, je viens de ma Guinini, nanana. Mais des waffes, fais péter les baffes, les grenets des bacs, c'est des bacs, j'ai des cassos. Mais moi je les aime, c'est mes assos. Et j'ai peur de les voir percer de bastos. Que Dieu nous préserve de nous-mêmes et de nos ennemis. Dans cette chaîne de vie, si tu dors, tu peux le prix. Garde toujours un œil ouvert, parle toujours à cœur ouvert. Ne crois pas ce qu'ils veulent nous faire croire. C'est pour les enfants de la dalle, c'est HS, UXIL, DGC gang, chacal. Les films couvrent, on lance l'attaque. C'est une pluie de douille, une danse macabre, un chant de massacre. Nous, le rap, on l'aime pur et dur comme les tags sur les murs, boy, on a juré sur l'honneur. Et ça c'est tout ce qui nous reste. Voilà pourquoi y'a pas un bout qui nous teste. Et pas non plus de doute qui nous stresse quand on branche le mic. Si tu vois ma bande de blagues quand tu changes de cap, hein. T'es capable de te faire mal. Sache que je te baise mal. Pourquoi tu fais ça? Juste parce que je ne t'aime pas. Je suis trop dur pour les oeils, trop malin pour les brutes. Trop gros pour les nouveaux, pour les vieux j'ai trop de jus. Car l'attitude dans la voix, le feu s'impose d'emblée. Que le hip-hop français repose en paix. Je suis trop dur pour les oeils, trop malin pour les brutes. Trop gros pour les nouveaux, pour les vieux j'ai trop de jus. Car l'attitude dans les yeux, on explose d'entrée. Et le hip-hop français repose en taf. Taf, chose mes teams, rap sans cosmétique. Fast taf, grosse équipe, France l'équipe par la Rodney King. La face cachée de la rue, passe pas chez de la rue. On s'en sort avec une bonne date, pas et de la ruse. Parle mal et je t'allume. Et si t'es trop balèze, les petites vas de ça pour de la thune, du bissal. Mon côté lascar, c'est de nature. Ma petite me dit que j'aime trop l'asphalte et que j'abuse. Merde, mène la vie street, depuis Beat Street. Au break street, on s'excite sur break beat. Écoute, respire sans caisse, ou esquive, viens test. Si t'es speed dans la tête, on t'explique la vie. Nique la vie, bise la nuit. Vif, agile, habile, cherche le fric facile. Vive parmi les loups, push, kill par kill. Immortel au mic, je me faire kill par qui? Hein? Dis-moi. Dis-moi. J'suis trop dur pour les oeils, trop malin pour les brutes. Trop gros pour les nouveaux, pour les vieux, j'ai trop de jus. Car l'attitude dans la voix, le flow s'impose d'emblée. Et le hip-hop français repose en paix, Nubisalte. J'suis trop dur pour les oeils, trop malin pour les brutes. Trop gros pour les nouveaux, pour les vieux, j'ai trop de jus. Car l'attitude dans les yeux, on explose d'entrée. Et le hip-hop français repose en paix. Aïe. Nubisalte. C'est la nocturne 100% rap français avec au contrôle Monsieur L'Homme Pâle et ce morceau donc Nubi qui reprenait évidemment un son classique parmi les classiques, que le hip-hop français repose en paix. À l'instant, un petit explication sur ce morceau, Lompal. Ah. Ouais, le micro était coupé. Voilà. Un album classique hein, qui a fait partie de mes influences, bien sûr, Ascar Latitude. Et voilà, je trouve que c'est très difficile, de s'attaquer à une prod comme ça, un classique comme ce morceau. Du coup, c'est réussi. Chaud, quoi. C'est tout aussi chaud. Et c'est réussi, ouais. Voilà. C'est vrai que c'est réussi. Bon, toi, ton projet s'appelle Senior, il est dans les bacs. Senior, c'est exact, dans les bacs depuis lundi dernier, le 15. Mmh. Et voilà, on a écouté Toi et moi, du coup, un morceau plein d'amour un peu violent juste avant. Juste avant, ouais. Voilà. Et les messages balancés 41759 avec le hashtag Skyrock, ça arrive direct dans le studio. Lompal, il y aura un gros freestyle, je pense, d'ici quelques minutes. Hein. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui va se rapprocher du micro dans un instant. C'est le sport. On repart sur quoi ? On va rester dans le 9-1 là. On va partir sur d'une unité de feu. Un petit unité de feu, légitime défense, hein. Ultime défense. Je sais plus comment s'appelle ce morceau, il a tellement de noms. Allez, c'est parti. Hein. Balance-nous ça, top 10. Dans nos jardins, y'a plus qu'au cliquot, ni même des jonquilles. Juste des toxicos qui sniffent avec des junkies. Des tasses pêches, des cold girls. L'unité de feu vient uriner sur eux. Demande à Kanchek, c'est Walker. Moi je fume tellement que toutes mes parts je les entame d'avance. Je fais de la légitime défense. Je prépare mes ultimes défenses. Les ultimes devancent pendant que les victimes dépensent leur blé. Font des petites dépenses, ils vendent leur jays à type d'enfance. Je lève mon verre de champs, ça mes frères de sang, espèce de tente. Si je m'habite et ne me fais pas perdre de temps. Cherche pas à faire le tendre, on te frictionne sans paire de gants. C'est comme ça qu'on fonctionne, l'unité de feu. Les de lance. J'apprécie la vraie vie, ma chérie. On se propage comme des bactéries. Tunisie, Maroc, Algérie. Pour la famille, les amis, tu sais qu'il y en a pas beaucoup. On arrive, on a le je vais faire une fausse couche. En France, nos frères moustaches. Depuis qu'on a des moustaches. Parce que les gagnants sont secrets. Oh. Qu'est-ce qu'il est moustache dans cette vie, on se fight. Comme sans cocaïne. Pour tenir, on se fly. Et ce sans cocaïne. Et c'est nos frères moustaches. Depuis qu'on a des moustaches. Parce que les clients secrets. Oh. Qu'est-ce qu'il est moustache dans cette vie, on se fight. Comme sans cocaïne. Tenir, on se et ce sans cocaïne. Yo, je plaide la défense légitime dans un monde d'enculé où les gros mots devancent les je t'aime. Certains n'ont plus rien. Plus rien d'attendrissant. Tu t'adresses à des murs. Marre d'attendre ici. Le messie qui peut avoir n'importe quel fort, mais on préfère le rouler pour les porte-kills. Fermez ouf sur un fonçant de parkill. J'analyse mes blèmes, tentant résoudre hyper cool. Et ceux qui souffrent, ils ont droit. Je te parle de la douce, l'astuce, le dit la tous. Dans la tête sans dilettance. Mais je revendique pas cette merde. Tu te fais pécho comme un novice, tu seras tout seul, c'est hard. Non, y'a alchimie d'office. Mon rap comme édifice, cette voix qui baisse le système. Cette putain dit qui me défonce mon nerveux système. Je viens la bague, braque les fumeurs, braque l'éphémère, les fumeurs ou raque. Dès que les battes craquent, les fémurs, je te conseille pas d'avoir grosse tête dans le drogue. Sinon, c'est la street justice. Ok, dans cette vie, on se fight. Comme son gougain. Pour tenir, on se fly. Mais ce sont cocaïne. En France, nos vies moustaches. Depuis qu'on a des moustaches. Parce que les yens, ils ont oh, qu'est-ce qu'il est moustache. Dans cette vie, on se fight. Comme son cocaïne. Pour tenir, on se fly. Et ce sans cocaïne. Et c'est nos frères moustaches. Depuis qu'on a des moustaches. Parce que les clients s'écrient. Oh, qu'est-ce qu'il est moustache. Dans cette vie on se fight. Comme sans cocaïne. Tenir on se fly. Et ce sans cocaïne. Et frite le H que je te lâche des rimes de barge. Fiston tu vas te faire fister comme des nuits de l'âge. Je suis bousillé, je fume pour oublier, roupillé. Je me sers de ton corps comme un bouclier. Je suis qu'un fils d'ouvrier qui tient à souligner que c'est sous l'effet de l'alcool fort que je vais tout plier. Je tape même des raptas enrhumés. Ma jeunesse part en fumée. C'est l'unité de flamme, ça l'enculé. J'évite le das, des tasses, et je crache mes phrases très hard. Chez frère, ça vient du béton armé. Je pillave, viens que je vois le monde comme un type qui a le das. Qu'est-ce qu'il y a, je trace, il y a le cash partout le diable. Je passe en état de grâce quand la drogue est toute grasse. Mes dents grincent, quand si t'es bon, j'en deviens pour un temps prince. De la matrice, l'élu. Je vois presque au travers de la lune. En maîtrise, j'allume mon ultime ex au clair de la lune. Et puis j'écris, je décris ma journée faite de transition. Où je feu, gris des garrots, des feuilles et termine l'action. Me pète en crâne, me déconnectant de ce monde de pâte. Et donner gens, ces derniers pour la plupart sont tablettes. En France, nos frères moustaches. Depuis qu'on a des moustaches. Parce que les yens s'écrient. Wow, qu'est-ce qu'il est moustache. Dans cette vie, on se fight. Comme sans cocaïne. Pour tenir, on se fly. Et ce sans cocaïne. Et c'est nos frères moustaches. Depuis qu'on a des moustaches. Parce que les clients s'écrient. Wow, qu'est-ce qu'il est moustache. Dans cette vie, on se fight. Comme sans cocaïne. Pour tenir, on se fly. Et ce sans cocaïne. Ok. Hey, quoi de neuf les 250 ? L'ancien. Hey. C'est peu à haine. Coute celle-là. Ah, good. Yeah. Tu dis du caca, moi je chie des mots. Tu passes mal comme un blanc qui dit négro. Hey yo, quoi de neuf, négro, voilà taille, pas de fromage. Hein? Un peu juif, nazi, musulman et pro-black. Fais la hola si t'es trop d'accord avec ma cause. Abattez-moi avant qu'on légalise le clonage. Je plaise l'atmosphère comme la soupe au lardon. Manie le gourdin comme un enfoiré de Cro-Magnon. Y'a pas trop de terroristes, y'a trop d'avions. Y'a pas trop d'insécurité, y'a trop d'action. Et je reste dans la pénombre, on est tellement dans ma tête. Je vais mettre un S à mon prénom. D'où Jésus, dis pas que t'en pouvais plus. Mes démons ils démontent et vous bougez dessus. Pourrais-tu me dire merci pendant que je pique ta place. Je viens féconder l'espèce pendant que tu niques ta race. J'écris des poèmes quand j'ai le frigo vide. Y'a des jours, j'envie les trisomiques. Mon stylo bivomit toujours des rimes horribles. Mate ma gueule d'alien sur les hiéroglyphes. Tchernobyl, c'était un pied de lapin. Comparé à se lever le matin. Lève ton verre comme s'il y avait jamais demain. J'rappe comme si jamais l'avait demain. Quand t'es nul, il faut l'assumer, mon frère. Tu veux mes rimes, essaye de fumer mon sperme. Tu veux t'envoyer un petit iPad? Échange ton iPod contre une pipe à crack. T'aimes bien ma musique et moi je kiffe ta femme. Je reçois de l'énergie par pipeline. T'aimes bien ma musique, je kiffe ta femme. Je suis trop haut, je te dis bye bye. Les rimes qui font honte à ma famille ont plus de chances de m'épargner la famine. Alors on nique tout et on partage à la Sylvester Saline. Mettez vos œufs dans ma farine, je connais la pratique. Tu reconnais le style, crado P.A.N. Trop de poils pour faire les pubs de Slibar. Dédicace à tous mes potos qui ont redoublé leur classe et finissaient avec des plus grosses bites que le prof en face. Je dégueule du gratin devant les malins, je fais le con devant les cons, je fais le malin. J'ai dû manquer de tarin. J'aurais pu gagner beaucoup d'argent à exciter les gamins. T'as une revanche à prendre comme dans Rocky 4. Ton rap est un mystère pour les pédopsychiatres. À parler aussi mal, tu vas faire ton coming out à l'hôpital et fin de l'histoire. C'est la nocturne 100% rap français, j'ai cru reconnaître Taipan. C'est exact. C'est ça, hein. Un gros morceau, un peu pas vieux, mais qui date quand même de quoi, il y a quoi, 2-3 ans, un truc comme ça. Ouais, il était en pleine forme sur celui-là. Bon, bah Taipan qu'on salue évidemment. Exact. L'homme pâle a pris le contrôle de la nocturne, on va saluer Alpha One qui est là. Yeah, Alpha vient d'arriver. Yes, ça se passe à fond. Même pas bonjour, rien, t'es... Ah, il est comme ça, furtif, t'es un ninja. Le gars est là. Ça se passe. Hein. Bon, il y a Dooms qui est là aussi, l'entourage. Donc voilà, c'est vrai que tu fais partie un petit peu de la galaxie. Hein, ouais, la galaxie, mais on est beaucoup plus que ça, tu vois. C'est comme dans chaque histoire, il y a toujours 1000 soldats inconnus, 1000 soldats de l'ombre, toujours. Bon, tu nous disais il y a quelques minutes que toi, voilà, tu as décidé de rapper et que tu conseilles à tout le monde d'essayer au moins. Ouais, ouais, bien sûr. Mais c'est quoi les références, toi? Qu'est-ce qui vraiment t'a marqué dans le rap français? Rap français, on va se limiter au rap français après. Si on se limite au rap français, bah, rien que tu vois, ce que les extraits que j'ai balancer, déjà ça c'était des influences, mais après sinon en réalité comme tout le monde, j'ai forcément un moment, tu vois, j'ai écouté ce qui passait tu vois, de ce qu'on me donnait, puis après j'ai fait mes recherches et puis je suis tombé sur des trucs plus pointus ou alors moins pointus, enfin tu vois, c'est trop large en fait en réalité. Ouais, sinon je vais dire l'école du 9-1, c'est celle qui m'a le plus inspiré, tu vois. Puis, au niveau de la rime, c'était la plus précise à mon goût, tu vois. Après bien sûr l'école de Boulogne, Booba et tout c'est, ouais. À l'époque les placements étaient très intéressants. Les sages-peaux aussi, ou c'est un peu plus vieux pour toi? Les sages-peaux, c'est plus pour le

Don da da da da da. Pas dans le rap, le bail éclate, c'est un poignet de crabe. Pas le temps de regarder les autres, baillez-moi quand j'écris le cahier crabe. Tu sais que je suis un des vrais. Si quelqu'un s'occupe bien des frais, avec mon équipe, on atteint les vrais. Ce que dit flingue est vrai. Je voulais faire un gros son sur mon plein Philippe Smet. Les chanteurs à la Jean-Philippe Smet. Finis, mec. Le fait qu'il fasse encore du pif, mes gars. La France est au ralenti comme Keanu Reeves quand il esquive les balles. J'ignore cette matrice. Crois pas que je blague ma mène. La France est conservatrice. Le rap n'échappe pas à la règle. M'a rien appris du scissor. Mais les choses se bizarrent. Hose down, G's up. On apporte le Gildas. Je. On apporte le Gildas. Double G. On apporte le Gildas. G-I-L-D-A-S. On apporte le Gildas. Ah. Retour des shinobi, mais crois pas que c'est le fric notre pilier. Je compte plus les rivaux pliés encore immobile. On a appris notre bise comme Inobi, Jack City. Faut qu'on se lance dans l'immobilier. Faut qu'on multiplie nos billes. Ouais. Ils croient que les paillettes et les strass vont aliéner mes straps. Ils trouvent les alliés détestables. Ils se disent ça y est, c'est des stars. Ils passent à base de das, caliente, slash variété de zap. On confond pas les Cayenne et les smart. Très vite les pitch vois, j'évite les pitch joie. J'ai frité puis je bois. Si l'ennemi se précise très vite, l'équipe s'équipe. Méfie-toi, on fait le beurre. On intercepte le cash. Ton espèce de garce se fait réchauffer mon cœur. Et mon sec de glace. On laissera les archives. Ouais, fal, gifle, j'envoie les dragées, je les laisse à l'état léthargique. Trop d'écart, j'écalcine, les gars s'écartent vite. On éclate, on déclate les garcis, j'appelle ta pétasse, le gassis. Oublie la paire, oh, on monte de 0 à 100. Vence pour les frérots absents, pendant l'apéro, dans l'apéro, dans l'apéro. C'est la nocturne avec l'homme pâle au contrôle de la nocturne. Et qu'est-ce qu'on a écouté, l'homme pâle à On vient d'écouter mon frangin Fall Alpha One qui vient. Don Dada. Don Dada Records sont là, dans les studios. Dans le building, on dit au States. Dans le building. Dans le building. Dans l'immeuble. et voilà, c'est un dernier morceau qui vient de le sortir il y a quoi? C'est quoi, il y a deux semaines, un truc comme ça? Ouais, c'est un freestyle que j'ai sorti il y a deux semaines. Petit freestyle, balancé direct. Quand il est au max comme ça, on se doit de partager ce truc, quoi. Bon, dans quelques minutes live, vous partez pour une grosse session live, hein, les gars. Hein. Ouais, on est chaud. Vous êtes chaud ou pas? Le feu va être bleu. Chaud. On se met encore, ouais, deux petits morceaux, puis on démarre. Allez, c'est reparti. L'homme pâle, on rappelle juste que l'homme pâle, le projet est dans les bacs depuis une dizaine de jours, grosso modo. Qu'il s'appelle Seigneur, ce projet qu'on découvre ce soir. Envoyez vos réactions au 41759 avec le hashtag La Nocturne, le hashtag Skyrock, ça arrive dans le studio. Tu vois les messages qui défilent. Ah ouais, il y a les messages là-haut, putain. Ah, t'avais pas capté? J'ai oublié. Ouais, les mecs craquent. Ah ouais. C'est le principe. C'est le principe. Balancez tous vos messages 41759 si vous êtes à l'écoute de La Nocturne avec le hashtag Skyrock. On part sur quoi? Bah, ils veulent du classique, là, je viens de voir, donc je vais leur remettre encore moi. Je vais leur remettre encore un morceau de moi. Très bien. Bah, vas-y, on part encore sur un autre extrait, là, pour faire découvrir un peu. 1 sur 12, encore extrait de Seigneur, un peu plus excité, un peu plus nerveux. On va donner un peu d'agressivité, quoi. Allez, c'est parti. C'est parti. Genius, je vous vois. Malgré les clins d'œil et les sourires, y'a toujours un Judas quelque part. Au moins 1 sur 12, 1 sur 12, 1 sur 12, y'en a toujours 1 sur 12, 1 sur 12, 1 sur 12. Au moins 1 sur 12, 1 sur 12, 1 sur 12, y'en a toujours 1 sur 12, 1 sur 12, 1 sur 12. Fini la fiesta, mon petit. La planète entière s'affronte. Mais j'ai des plans dont ils ne tiennent pas compte. Me barrer de là avant que le ciel s'assombrisse. Hein? Les solutions ne viennent pas. Et nos tiers sont gris. J'ai plus le choix, j'ai obligé de naviguer seul et d'esquiver la vie de mes rêves pour que la mienne s'accomplisse. Hein? On vit dans un brasier calme. Tu connais l'expression, c'est un panier de crabe. Tous prêts à se manier pour monter d'un palier ou gagner le match. J'ai pas un match nul. Non, je refuse qu'on me marche dessus. Mon cerveau reste inaliénable. Blasé, je reste à l'écart, mais cet écart me tue. Ici, je cultive ma démence. Et j'en ai en stock. J'élabore la stratégie d'en perdre, qui refuse de perdre encore. Je compte y arriver avant que mes rêves s'envolent. J'en fais le serment. Le temps presse, non? Tellement moche, c'est la merde dans le bloc. Le futur sera mieux que ce que le présent m'offre. Dans mon habitat, je m'abstiens pas, je vis très haut. Seulement l'avenir appartient à ceux qui se lèvent en forme. Voilà pourquoi les gars de mon espèce s'endorment. Je manque de temps, les billets verts, je m'en moque. Les autres iront se pendre avec leur chaîne en or. Si je tourne mal, que Lucifer l'emporte. Je méfie des hommes, y'a toujours un Judas quelque part. Malgré malgré les clins d'œil et les sourires, y a toujours un Judas quelque part. Au moins un sur douze, un sur douze, un sur douze. Y en a toujours un sur douze, un sur douze, un sur douze. Au moins un sur douze, un sur douze, un sur douze. Y en a toujours un sur douze, un sur douze, un sur douze. Un sur douze, ces statistiques ont plus de 2000 ans. J'ai beau être rigide, je ne pourrais m'en sortir qu'en me repliant. Désolé, je n'ai plus le choix désormais. Je ne crois à personne, je ne vois personne. Laissez-moi loin du territoire des hommes. J'ai longtemps réfléchi. Pourquoi les martyrs prennent le large? Pourquoi le bon sens rétrécit entre les amis et le cash? J'ai longtemps réfléchi, maintenant je comprends mes ennemis. Quand on manque d'honneur et de couilles, c'est tellement plus facile d'être lâche. Alors je préfère m'en aller loin. Aujourd'hui je suis devenu mon propre chef. Maintenant je ne me soumets qu'à mes lois. Plus j'avance, plus cette sale époque me gêne. Les débats médiatiques, les matérialistes, les carrés VIP, j'en ai rien à foutre. Les esprits faibles craquent, moi je ne deviens pas fou. Les jours s'enchaînent et y'a de moins en moins de choix. Certains me demandent de l'aide, mais j'ai besoin de prendre soin de moi. Je me suis entaillé le cœur dans cette pagaille sombre. Je cultive hargne et somme. Je vais témoin de trahison en faisant cavalier seul. Au moins un sur douze, un sur douze, un sur douze. Y en a toujours un sur douze, un sur douze, un sur douze. Au moins un sur douze, un sur douze, un sur douze. Y en a toujours un sur douze, un sur douze, un sur douze. Le petit prince du haut de bras, yeah, man. Madame la rue, faut qu'on règle les comptes, merde. J'suis trop galéré pour rien. Il est temps qu'on sorte les fiches de paye, même. Yeah. Yeah. Madame bloque la rue, bref. Allô, répondez-moi, moi j'étais là pour vos coups les plus salauds. Vos lovés, vos rêves ont perturbé beaucoup d'ados. En destin de mazo, merde, bravo. De la bouche d'un corps vide, du bout d'une morphine. J'écris ce que je vois, ça donne un couplet morbide. Je connais le job, si vous croyez que je dis faux, pire. Regarde, j'ai encore gravé les cicatrices sur ma peau cuir. Là, je crois que vous voyez de qui il s'agit maintenant. La cause sur le bonnet, je suis pas nostalgique, mais tôt. Votre soldat ponctuel, je suis plaque, je sais, non. Mais pour le cas, j'avais une pendule à la place du sternum. La nuit porte conseil, mais l'île n'est pas assez longue. Je manquais pas à l'appel, n'écorchez pas mon prénom. Mon CV est bien décrit dans mes vers. Alors allez-vous m'aider ou me mettre encore plus dans la mer? Je veux tout ce qui est valable à vos yeux, non. Je veux tout ce qui est sale aux yeux de tout le monde. Maintenant va falloir que je sache comment. Je n'y gagne rien d'où je suis. Alors que j'ai galopé, galopé, galopé. À la recherche du alors que j'ai galopé, galopé, galopé. À la recherche d'une vie. Je sens qu'un vice de plus me filera dans le mauvais wagon. Que plus qu'un braco et je rejoins les frères au flaco. Un gramme de plus et je coche le décès d'un accro. Une arme en plus et je pourrais coucher un ancien paco. Je sens venir que c'est la fin, je peux être pris pour gros. Un simple crime peut être le crime de trop. Laisse pas traîner ton fils. Papa l'écoutait mais n'a pas pu le faire pour son fils. Ma foutue life madame, tournez super mal. Mais j'ai toujours cru en vous comme dans ces films où Superman venait. Pour un supplément de paye, stupidement je n'ai. Mais je faisais qu'ajouter à ma maman un supplément de peine. Rendu toxique, je nuisais à mes propres. Les fils me fiaient de moi comme on se méfierait d'un Rockefeller. Madame j'ai juste respecté vos normes hélas. J'attendais un de vos chèques devant ma porte mais là. Merde, j'ai fait tout ce qui est valable à vos yeux non. Merde, tout ce qui est sale aux yeux de mon père. Maintenant va falloir que je sache comment. Je n'y gagne rien d'où je suis. Alors que j'ai galopé, galopé, galopé. Le petit prince nous à la recherche du. Alors que j'ai galopé, galopé, galopé. Mais à la recherche d'une vie, yeah. Alors qu'allez-vous faire de nous? Le jour où moi et les miens décideront de faire nos routes. Feriez-vous tout pour qu'on échoue, qu'on en perde la boule? Qu'on cherche un chemin de peine, nos vies en viennent à bout. Serais-je la prochaine bavure des forces de l'ordre? Ou le cobaye d'une balle perdue? Mort précoce, maintenant. Je serai ce que le père récita. Donc pas réussir à le faire me fait plus flipper que le sida. Madame, dites-moi, pas mal votre coup de chien, mes tricards. Pour me vaincre, faudra faire plus que m'envoyer 5 cigares. Donc soyons sérieux, arrêtons les gars. Dites-moi, c'est quoi le programme maintenant que j'ai dans la main un mic. Merde, je fais tout ce qui est valable à vos yeux, non. Merde, je fais tout ce qui est sale aux yeux de ce monde. Merde, maintenant va falloir que je sache comment. Merde. Je n'y gagne rien d'où je suis. Alors que j'ai galop, galop, galop. À la recherche du. Alors que j'y galope, ah, galope, ah, galope. Ah. À la recherche d'une vie. Yeah. C'est la Nocturne 100% rap français avec l'homme pâle au contrôle de la Nocturne. C'est toujours là, c'est toujours moi. Le projet est toujours dans les bacs aussi. Bah, il a pas bougé, hein. Ça a pas bougé. Les FNAC sont fermés, mais demain. Demain matin? Pour le week-end, allez-y. Demain matin, demain, je vais voir tous les soldats. Allez-y. Dans les messages, allez-y. 41759. Les flammes seigneuriales, on nous dit. Ah, ça va voilà, brûler. Voilà, voilà. Les gens qui suivent. Des flammes violettes. Les seigneurs sont tous présents ici là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attaque sur la session live? Ouais, là on est bon. Hein. Je pense que. Ah bah, on est une bonne. Est-ce qu'on peut faire une bonne vingtaine de minutes live? Ouais, ou ouais, tu crois que c'est pas ça. Possible? Si, c'est très possible. C'est très possible. On pourrait partir ce chiffre si on voulait, mais. Non, mais on m'a dit que Dooms il est pas chaud. Non, le mec, il est pas chaud par contre. On m'a dit Alpha One. Dooms il est pas chaud, mais Morgan il est présent. Captain est là. Messieurs, c'est à vous. Bah allez, on part. Je vais amorcer la danse et puis je vais faire kicker tous les frangins. Les seigneurs. C'est toi qui gère l'affaire. Ça marche, le feu arrive en masse. Le garçon s'appelle l'homme pâle, c'est lui qui a pris le contrôle de la Nocturne ce soir. Oui, c'est moi qui ai pris le contrôle. Jeune blanc. Et pas que de la Nocturne. Ah. Je rigole. Allez, c'est parti. Yeah. Un. Je pars un peu plus de retour dans le casque ou quoi? Bah il faut que tu montres le truc. Ah, voilà, montre. Parfait. Un. C'est vrai, j'écris des sacrés rimes. C'est mon métier, ça me rassure quand la dernière cloche me menace. Je n'ai pas de plan B, si un jour ça se termine. Heureusement, l'inspiration est plus grande que les poches de The Mask. Moi aussi, j'aime la bonne bouffe, les belles femmes, le soleil et la relaxation. Quitte à redescendre sur terre aussi vite qu'un crash d'avion, ouais. Avec mes frères des cavernes, vous qu'on aille, on sait se mettre à l'aise. On trouvera le GILDAS si ton herbe est balèze. La défense possède un charme secret. Voilà pourquoi Morgan et Jack se mêlent à mes dépenses chaque semaine. Ça m'aide à m'assoupir. Je sais que je m'invente un compte, mais j'ai tendance à me sentir dans un monde où on ne peut pas mourir. Je fais qu'avancer mon heure en vivant comme un déraisonné. Mais je suis sur répondeur quand la faucheuse veut me téléphoner. J'ai des projets, j'y pense d'un air songeur. Car je risque de rester fauché si je laisse parler mon cœur. Je suis pas imbécile, je sais que j'ai plein de mérites à revendre. Indécis, pour gagner je dois m'investir intelligemment, un génie. J'attends d'avoir de l'or en poche, ça sert à rien de faire de l'argent après sa mort comme Van Gogh. Mais pareil, ils ont trouvé de la salive d'alien dans mes molars. Ils ont peur que je la transmette comme le virus Ebola. Mais je me pète au large, bédo sous la pergola. Décollage spirituel, bientôt je me teins les cheveux comme les Golas. Je suis pas terrien même si mes racines partent d'Italie. Mais je vous aime tous quand même donc essuyez vos larmes. J'ai la rime facile, dommage que le rap soit devenu une pratique has-been comme le cannibalisme à Miami. Alcool, violence, sexe et blueberry. Je raconte toujours les mêmes choses mais j'ai des nouvelles rimes. Bref, suffit que ma folie intérieure parle pour devenir majestueux et briller comme un seigneur. Comme un seigneur, comme un seigneur. Comme un seigneur pâle, comme un seigneur. Seigneur dans les bacs, comme un seigneur. Seigneur pâle, comme seigneur. Je tente le crossover, tant que l'assez français parle Kosovo. Un gosse solo en temps normal, mais j'en ai gros sur le cœur. Je me réveille comme une fleur, m'endors sur mes lauriers à la recherche du papier selon l'heure. Il faut qu'on se casse d'ici, avant les deux rires et la calvitie. Que nos cas vus fassent partie des statistiques. Ils sont l'état, disent-ils, bande de fils de lâche. Sur vos crânes, je testerai bien ma balistique, un nouveau style de balle. Pendant ce temps-là, ça court derrière les RTT. Se faire péter, certains sont prêts à se faire péter. Pour un vulgaire deal de verbe, de blanche ou de marron. Et de passer l'été au ballon, je vais pas me répéter. La weed saillon, mais faut bien qu'on se détende. Non violent, mais pas incompétent. Si on me plombe tes dents, tu seras un contre-exemple. J'ai pas le temps d'attendre à devoir compter sur un boss. Au KFC, je prends des tenders, je suis jamais tombé sur un os. Flingue dans ton poste, flair les traîtres à 2 mètres. Faut mener l'attaque et j'ai le ballon comme FA2L. Tous ma team est Harry tous les jours de la semaine. Si tu cries pull up, compte sur eux pour te la remettre. Ça part en quête, ma sur quête, ma texte sur texte. Le jazz est tech, je finirai en 16 sur 16. Oh. 16 sur 16, KLM, c'est Fingers, écoute ça. Le poteau fait, le son du coin. Yo, ne sous-estime pas mon équipage. L'entourage, on est des pirates de haute mer. Mes primates te transpercent pour ton héritage. En saison estivale, on se balade sur les plages. Brioche à l'air avec la festina, vissée sur le poignet. Le schlasse, bien planqué dans le short de bain, demande à Fall. Quand j'aurai le tirage, je me tire à Saint-Domingue. Est-ce que tu capes, négus, de prime de bookmaker. Pour mon crew, la rage de vaincre et notre devise. Donc embrasse mes flingues, si t'es pas content, je te rentre dedans, qu'on se le dise. Avec mes sens maliens, on se profile dans des appartements haussmanniens. Y'en a foutre qu'elle soit pas faite ou pas, je te parle de la rime négro. Analyse la carabine quand je m'applique. Si tu suis, j'ai pas le temps de traîner avec la hype. Ils veulent de moi mais je suis difficile, je préfère chiller avec ma wife. Et t'sais, j'ai mes petits bis à côté, quelques affaires. Ouais, je suis en bise avec le rap français et des gaz crêtes. Fidèle à mes principes, fidèle à mes règles. On est des rois, on sera jamais tenu par les reines. Rien qui font les fous, rien qu'on les fuck. Ouais, fuck tous ces vendus qui souhaiteraient me voir mort ou bien pendu. Je vais plus vite que la pendule, j'ai du style et de l'avance. Je suis le prodige de cette France vu que mon avenir est atteint. Je suis pas meilleur qu'un autre, mais je vois personne meilleur que moi. Je roule en joie quand on me chuchote que c'est bientôt mon heure de gloire. Personne peut freiner la bête, ma gueule fait belle à toi. Mets un gilet par balle, sinon je vais te baiser ta mère hier. C'est parti, on s'est dessus. Tu te souviens, je veux pas tes ex, que je te laisse au parking dans le coffre d'une Lexus. Maintenant c'est simple, j'évite d'être trop gentil. Je suis pas romantique, tu veux un feat, vas-y, sors ton smic. Autant vous dire que je m'en bats les couilles, t'es trop authentique, ça me fait de la peine. Miskin, t'es trop sensible. J'ai arrêté de pleurer dans mes textes parce que tout va mieux, bah ouais. Depuis que je les baisse et depuis que je crois en mes rêves, je suis parce qu'ils sort, mais au moins je suis pas un mytho. J'ai suis piche validé par l'élite, prends des kilos. C'est pas tout ce que je peux. Fermez que j'étouffe le jeu, j'ai tout ce que je veux. Amenez-moi les cuisses de Chilo. Mes sarrasins, c'était le Aladdin. Panama Bende. Donovan, si bien sûr, wesh demi. On sort de l'ombre avec mes généraux. J'ai arrêté de compter les faux. Jeu infernal, le flingue verbal est près de mes coachs. J'étais surpris en train de tester mes flots. La patate, c'est que t'es juste capable de baquer tes potes sans savoir préparer les choses. D'après mes sources, c'est tout ce que tu peux faire. Donc tu écoutes et tu te tais, gros gland. Inutile de rater les autres, nique ta soupe et tu le corrais. C'est juste fou que tout a coulé et tu ne te plaises autant. Je pense pas vendre mon âme avant ma musique ni devenir comptable. Le front bat devant ma planche à l'usine, pour ça que je tranche quand les dents du tigre m'en bat de la sentence publique. Je rêve de frontal qui passe, ça doit se moncer à du blanc translucide. En gros, des caves vers le haut des gratte-ciel. Pas de faux départ ni de farniente, alors cesse tes commérages d'abord. Je baisse mes volets car je veux qu'aucun mec ne parvienne à me transmettre le choléra qui protégera mes arrières. J'arriverai pas à me soigner par le rire. Je n'osais pas le dire, mais trop s'éloigne. La vie c'est noir si la moitié parle de tease. Chaque rue coin de ville, voici la devise. On paiera demain, passe ton joint, mais lâche ce joint de shit. Ok, j'étudie chaque technique. Si dur d'y croire, oui, je turbine pour acquérir une maîtrise chirurgicale et stricte. Réussir chaque énigme, les victoires illuminent mon histoire. Après la virgule, l'issue finale est triste. Mieux vaut en rire et positive, et tant qu'on peut, taciturne car j'ai perdu l'habitude des rencontres heureuses. J'écris des chansons de feu sans fascicule. Je frappe, écrase les particules. Déclenchant le crash d'une magnitude rare. Le H-U-N-A-M. Yeah. C'est un, cool. Un, ah. Un. Ya ya ya. Un. Voilà pour Robin, mon boucrou. Oui. Ah. Et coupe de belle sous la capuche, c'est pour mes frères et mes propos. Autant que j'attaque mes propos, ça tarde plus sur les coupes de merde où ça rappe nul. Je veux hop, ok, je reprends ça, écoute ça, ya ya ya, hein, ya ya ya, ya. Et coupe de belle sous la capuche, c'est pour mes frères et mes cocos que j'attaque mes propos, ça tarde plus sur les coupes de merde où ça rappe nul. Yeah. On veut faire des bons sons qui shootent, et y'aura pas de limite par ici, gardez vos styles Marilyn de pompon, Pompidou. Et Panam guide nos rêves, même essoufflé, j'ai l'impression d'étouffer comme sous les gaz lacrymogènes. Yeah. Alors j'ai taffé, baffé les grosses doses. Depuis des années c'était clair, BPM venu pour caresser le cosmos. J'ai les mêmes vers, trop de phases dans la gorge. Priant chaque matin pour que mes chers frères restent au calme. Yeah. Car l'état nique et fait des dégâts, c'est tragique. Fait la petite salope, établit la norme pour nous voir dans la léthargie. Mon alors passe. Bon, n'attends pas de me voir épuiser le souffle. Et si t'aimes pas nos sons, bah t'écoutes pas et puis c'est tout. Les doutes murmurent, mais je resterai costaud. Faut que j'éclate car c'est nous le futur. Une sorte de nous, les robes réaliant. Une sorte de nouvelle aurore boréale. Écoute ça, Tony. Pour l'homme pâle, Tonio. Yo, pas synchromique, je m'exerce. Loin de folie de l'excès. Je reste zen comme un yogi de l'Everest. Dans sa colline, laisse faire quand j'associe les gestes. Et les flots, les j'excelle sans mes phobies d'estresse. D'emblée, vos fils experts, dérimer des mots. Je viens dérider tes vieux. Si t'avais des idées, t'es mieux. Je peux t'en livrer des mieux. Pareil qu'exister, c'est chaud. Que chill et névrose sont liés, quasi combinés comme les piques et les roses. Mais je les connais, les gars qui résonnent, mais séparent. Puis je m'en écarte et boire un jack ou jouer au déchet Samy. Les types hostiles qui te lâchent, les regards mesquins dans le métro sont ceux qui pensaient possible voir leur destin dans le rétro. Déconner c'est ma vie, j'ose négocier sans que ça pète. Les épaules c'est dans la tête comme les dossiers des amis. Vendre la mèche n'est pas le projet, mon rap honnête mais pas promesse. Je me promène à chaque mot, j'aime vous étonner les papis. Des stress, coupe ton ton smartphone. Ah. Le son de la prod, laisse on fait le reste. T'as des poches sous les yeux plus grosses que celles des sacs à fuma. Mais t'es difficile à cerner pour les proches à la fuma. Des stress, coupe ton smartphone. Full son de la prod, laisse on fait le reste. Qu'est-ce qui fait briller nos pupilles si ce n'est les billets de banque? Et dire qu'à l'époque on kiffait que si les filets tremblaient. Gear, Tonio M. Pas les dans les bacs. Gros, c'est le 7-5, belle et kawa, ton débit de sale mec. On prend tout le gâteau, toute la crème, on te laisse même pas les sales miettes. Fils de pute, écoute comment je pérage, dégoûte la concu, c'est des traves, défoule les poules de tout égal. Attise me donne envie d'accoster toutes les dames. Bien sûr que dans le peu gros, j'ai plusieurs casquettes. New Era, Nike, puis toutes celles de basket. J'tark, mec, c'est bien pire que l'anarchie. Fils de top, c'est la merde depuis que tous les nanars chill. Mes potes font plus de business qu'à la cour des cons. Tu es dans la cour des grands, tu te retrouves dans la cour des cons. Tu te retrouves à la cour des cons. On arrive lourd comme des dragsters. J'ai le gitas qui donne l'asthme. On les nasme dans des nerfs max 9. Et avec un phrasé gentleman, ce trick c'est le faire. Ce trick c'est le faire. Ce trick c'est le faire. Ce trick c'est le faire. Ce soir je sors sans tout le Ralph, mais je reste fresh. Descends vu que j'entends les klaxons de F, le chef de l'entourage. On parle de Cameron plus, de Maï et d'autres trucs. On parle comme Roy Enoch, pute, ride nocturne. J'ai la weed, donc avec les keufs on joue à l'éperviller. Suffit de rester bienveillant, je sors à Porte d'Aubervilliers. Dans les caisses on se la donne, on se croit dans les films. Sur le périphérique à fond, ça l'on manque les fils. À la radio y'a du kiff, sweat. Ce soir à la soirée, y'a plein de métis, ouais. On se fait pas d'un east-west. Une fois arrivé sur place, je glisse comme un hockey sur glace. Devant ces miss, mon vice refait surface. C'est comme si j'étais vêtu d'or. Magdaddy style, tu marches et tu donnes. Les plus bonnes parlent de l'arrivée du don. J'ai vu deux trois pains, ils soient appréciés comme un flingue, ils soient. C'était un lundi soir. Nique la fin de l'histoire. C'était un lundi soir. Écoute ça, moi je vais te raconter une histoire. Il y a les lundis soirs et les lundis matins. Bon, ça fait un. Tout commence un lundi matin. Le boss est en retard. Je fais le tour pour changer. Je fais le tour. Et la prod change. Je récupère le casque. Hacks, c'est comment? Oméga du Tosca, méga du Nine. Écoute ça, écoute ça. Yo, yo, yo. Tout commence un lundi matin, le boss est en retard. Je fais le tour pour changer. Qu'est-ce que je découvre à l'entrée? Cet enfoiré, affolé, en train de se faire rebranler par la jeune Esther, c'est sa secrétaire. J'ai omis de vous dire pas alliance, c'est son deuxième père. Je me suis mis à penser à une magouille insensée. Premier réflexe, je sors mon porte-à-planquer dans mon autre veste. Je filme ce connard censé être un bon père. Je t'ai calé en scred, je vais ce qu'il la catastrophe. Je prépare mon plan, mais je vais le faire chanter comme la Castafiore. Pépère sans stress, je vais le voir à la pause. Faudra voir à la hausse. Mon salaire stop les galères. Je veux ma mallette remplie de 100 000 euros. L'enfoiré me rionnait. Je sens les pellicules. Priorité, j'ai pas besoin de pistolet. L'enfoiré crache le blé. Vous connaissez la suite. Écoute d'où même cela je refais. Dans mon âme, je préfère Asre. La foutre de toutes ces petites tasses. La prod était super light. Moi j'arrive et je claque. C'est comme ça que ça se passe. Laisse-moi là, je reprends le mic. Non, c'est quoi les jeans? Oui, c'est quoi les bails? Qui va cracher des flammes violettes ou rouges? On est hal dans la place, tu sais qu'on bouge. Et les salopes n'ont pas compris que c'est pour mes gars que je dédicace. Qui va reprendre le mic, Hakos ou bien moi le Mams? Quand je dis Lampal, je veux entendre Seigneur Lampal. Seigneur Lampal. Seigneur. Quand je dis Lampal, je veux entendre Seigneur Lampal. Seigneur Lampal. Seigneur. Quand je dis Lampal, je veux entendre Seigneur Lampal. Seigneur Lampal. Seigneur. Quand je dis Lampal, je veux entendre Seigneur Seigneur. Je suis qu'un lascar défoncé qu'on veut dresser au pas des rêves. Dans ma tête et pour les faire, je dois progresser au pas. Je suis seul dans ma tombe, il y aura pas un tel ou un tel. Alors après tout mes ratés, je dois rapper pour que tu m'appelles. On est râle que pour la paix au départ, mais pour la paix on se dégrade. Mais c'est les rats dans l'arène, démarre des coupes et des raps. Je suis un jeune et je suis la preuve que si on fait on a. J'arrêterai mes récits que si j'apprends que ça plaît au nas. Moi j'ai que ça pour faire parler ma rage interne dans mes veines. Coule du son, je dois m'érafler pour que le sang t'imprègne. Glock, N, drop, pen et top 10. Que pour mes potes que je plante glaive. Je suis dans les temps comme dans le thème. Entends ma zik en temps de guerre. Je suis là, j'ai la rage. Mon pote a pris la barre. M'a dit, je comprends pourquoi t'es chaud. J'ai vu l'appart. Ceux qui m'ont jugé savent pas. Si t'es mon pote, on se fâche pas. Te lâche pas. Je dois mettre la croix sur plein de schlags. Avant, le bico, le plus qu'il y a du monde, les gars. Ouais. Qu'il y a du monde et fait du bruit pour l'homme, pas la famille. Check, check, check. Ça fait un à cause porte d'or pour l'homme Paul. Check, check, check. 1 Wesh les mecs, ça dit quoi depuis le temps je me suis pas chez là. Là je suis là, demain je sais pas ce que le bon Dieu me réservera, me préserver. Ça je l'espère, l'argent, la gloire et le respect. Des bavures j'en ai fait, mais la prison j'ai jamais goûté. Une part du gâteau pour aromatiser le pâtissier de la vie dans la cité. Laisse pas traîner ton fils avant qu'il glisse. Les Nikers sont remplis de vis et les chaussettes remplies de 10. Dans mes poches c'est la crise pendant que les grands s'alcoolisent. Check. Yeah. Ok, yeah. Ça fait check, check, check. Ok. On met ça. Ok. Moi je vais commencer un chier si vous voulez. Ah, je tente un bail là-dessus. Okay. Allez, chier. L'homme, pan, Rodolphe. Hey, le temps presse. Merde, il me faut le pouvoir de Piper. Avec le peu que j'ai, je m'entraîne sans cesse à faire de grands textes. C'est comme un gros tournoi de Fight Club avec un placement de maître, dont les rimes ne sont que la forme sournoise de l'iceberg. En bref, une science sacrée. Le genre de merde qui les rend fait le blanc scred et les enterre à l'usure comme de l'amiante cachée. J'écris, décide et cette vie durable m'a l'air précieuse. Et si j'aiguiserai mes rimes jusqu'à ce que ça crève les yeux. À l'écart, je me cache au calme pour esquiver les esprits vidés. J'attendrai qu'à l'élaxe et ça l'eau se crache. Je suis pas méchant, mais j'ai mille idées. Et je rentrerai dans la légende qui t'a passé par l'échafaudage. Le style de vie des pires givrés. Je gratte avant que ces feuilles m'arrachent. Le rêve de rimer puis de briller. Entêté, j'ai la rage de perdre. Mais j'essaie d'éviter mes ennemis. Je veux pas finir enterré avec la hache de guerre. Je me dois de vivre comme un seigneur. Maintenant que je fais mon taf sans lacune. Si t'as compris que je suis le meilleur, c'est que t'as de l'avance. Fais-moi signe le jour où je passe dans ta rue. Le jour où je passe dans ta rue. Le jour où je passe dans ta rue. Laisse tenter par des démons, des ondes qui montent à la tête dans la pénombre. J'ai le don, la manière, nique les barrières. Mes sons estompent vos carrières. En 2-4, c'est sur le barrier. C'est la fin à la dent, tu les par pitié. J'ai le nouveau talent sur qui parier. Les catins aux parents veulent se marier. Car y'a trop de types qui m'imitent. J'ai un gros style à la PDD. Si y'a les keufs, meufs, j'fais un merdeur. Cache ton bro, lick sous ton bikini. Sous ton bikini. J'vois que la police et les dirigistes. Toujours primitif. Mesdames, le rap c'est pas difficile, get ça. Quand mes démons s'agrippent à mon corps, c'est le silence du désordre. Et quand la feuille fait la rime à mes orbes, vois la puissance de mes mots. J'ai le cœur quasi mort car je vis dans les douleurs du passé. Bientôt je meurs à la mort, mes couleurs sont fades car je suis blessé. Ouais, blessé depuis le plus jeune âge. Très peu de temps pour que tu me remarques, pour que tu me regardes, pour que tu me reparles. Parce que j'ai le buzz et les putes ce soir et ça fait puff puff sur le wange. J'ai trop loin dans ma matrice, on me dit Aladdin. Jusqu'à la fin, tu seras magique. Magique sera ma carrière. Magique sera ma carrière, ouais ouais, magique sera ma carrière. Magique sera ma carrière. On ride vers les hauteurs de la sphère, le véritable rap sphère. Le Mighty Fall du 95 Gang arrive à le faire, ouais, il arrive à le faire. Faut pas que mes tantes m'entendent, moi. Je fais pas de musique dans le centre. Regarde les fils qu'on enfante, m'en fuck. Peut-on faire du bif tranquillement en France pour l'oseille, on a pente. On court partout comme Raon. Regarde, Fall va briller comme un phare ou un pharaon. Le bif ne vient pas en tombant du ciel. Non. Et pour prendre du zeil, on pense au plan du siècle. Laisse-moi plier le match. J'ai déjà plié le max. Demande pas qui est le Mac. Bien habillé, Mac. Pas de vieille marque. Impertinent comme Fab. Je crache les flammes bleues. Je leur laisse pas une miette. Depuis l'époque de fan de chaque femme veut que je remplisse sa lune de miel. Je veux du jack pour chaque homie. Salut, pain sur la planche. On casse la planche comme chaque Oni. Je fais le plein. Venez me financer le pain. J'ai la folie des grandeurs. Comme si j'allais relancer demain. Le lycée de nain. Ouais. Donc c'est quoi les bails? C'est que je freestyle, rien à foutre, tu connais Doomams, toujours placé dans le bon axe. Donc c'est pour le P de Seigneur Lampal, rien à foutre de ces grosses tasses. Doomams il est posé et c'est que je suis à l'heure quand je lâche des grosses phases. Donc c'est quoi les bails, les man, il a changé la prod. Il essaie de me blaguer mais je vais pas me faire Sheldonifier. Laissez le Doomams arriver, moi j'arrive pour toucher les baffets. Ils ont pas compris, c'est cool, ils balient, pas baffet, Jimmy Gomis. 4-4 passe, téléphone écrase, délit trace, TV gosse, débile remix à la postérie. Et tout ce que vous voulez mes patrons, s'il y a pas de chance. Suffit de savoir caler, c'est pas la danse. Rap dans ce trompe en nuit. C'est de dompter, j'aime pas compter, mais j'espère avoir pris de l'avance sur lui. Ah, puis on fait bluff, on s'y connaît. Moi j'ai donné l'info comme l'autre bande à silicone. Donc je redémarre en balle, démarre pas d'en bas. Pour t'espérer comme un paro qui rentre, départ en balle. Ouais, c'est cadeau. Juif, mus, bouddhiste et les cathos, les scatos. Ceux qui font du touchy dans des gâteaux. Hey, on leur parlera en partant. Et pas tant, comment je me semble d'avoir pas le temps. Débat, une ville à squat, départ. Va toi de voir si t'es un humain ou une quête. Ils ont des terrains de basket, on a des terrains de shoot. Terrain de shoot. Je te coupe la tête, mon petit frère jouera avec au foot. Avec Belka, ça a plus de goût. Avec vous, ça a plus de sucre. J'ai la tête à faire des trucs de fou. T'as la tête à faire des trucs de pute. des MC me sucent la bite, ils adorent t'aider. Dis-moi qui tu kiffes, je te dirai si t'as torpédé. Vos punchlines claquées, vos phrases pourries qui s'en tapent. Tous les soirs au fond de la cave, comme un bon vin de 10 ans d'âge. C'est ma femme, oui. Pratiquement, la fumée qui sort de ma bouche est plus blanche que celle du Vatican. Si je te fracasse pas, va jouer ta chance au casino. Moi, VS, moi, y'a plus de tension qu'un grand match ou qu'un classico. Sale pute, dégage, tu putes, t'es plate du cul, t'es nasse, tu fumes, c'est radical. Tes phases me tuent, mais bon, tu suces bien, c'est le principal. Vers les meufs et les problèmes, parce que le salam à tes collègues, c'est de la frappe. Nous, on est du pollen. Panama Bende, Panama Bende, Panama Bende. Panama Bende, Panama Bende, Panama Bende. Panama Bende, Panama Bende, Panama Bende. Panama Bende. Je me débarrasse des éléments inutiles. Oui, je fais de la place. Place. Si ta gare, c'est la prière du beat. C'est un vrai carnage. Je ne vous imaginez pas si stupide. Sur ligne, spliff sur spliff depuis le démarrage. Mais ce n'est pas grave, non. La chirurgie répare ça. Bien, j'ai commencé tôt car je n'avais pas le choix. Fais pas crari, je vais t'aplatir. J'écoute mon instinct et mon désarroi. Nique les parasites, l'aîné de la famille. Je commence le nettoyage. Je disparais par magie. Je planifie le massacre. Napalm pour éradiquer le mal à la racine. Les lumières sont l'épreuve de mon passage. Préparez-vous pour une ère nouvelle. Êtes-vous fiers de votre travail? C'est quoi ces tracts de merde que j'ai découvert? Je suis debout sur le champ de bataille, debout parmi les canailles. Êtes-vous prêts? Je me fous des tracas. Je m'acharne à recoudre les plaies ouvertes. Je suis NAM. Je viens pas d'une famille de fumiers. Non, moi je suis qu'un gosse lambda de Paris Sud. J'hérite de talents très particuliers. Style premium loin des rimes médiocres. J'ai des techniques mystérieuses. Je pourrais détourner un esprit sérieux. Juste avec un critérieux. J'attends qu'on me couvre d'or. Depuis tant que mon crâne se contracte pendant que les autres se touchent le zob. Plonger la foule me porte. J'écris mes rimes dans une salle de combat. Je m'améliore à chaque seconde. Tout va très vite, mais je garde mon calme. Demain les passants me regardent. Que ma future gloire les fascine. En désespoir, les artistes tirent la gueule avec des larmes impossibles à dissimuler. Comme si on leur épilait tous les poils des narines. Alors qui me dépassera si je ne me dépasse pas tous? Bien que City Baroudeur, les atouts que les jaloux veulent. Rien à prouver, je laisse ma légende se faire. L'aboutissement d'un travail acharné tous les jours, enfermé dans une chambre terre. En sachant que ce test était une vraie leçon d'habilité. Je sais qu'un cran de pouvoir implique une chance de le perdre. Loin, tellement loin des larmes. Et des pucerons, on prend de la hauteur pour leur lâcher des purs bons. J'ai donné plus de punch que cet enfoiré Tyson. Mais j'ai toujours bonne mine dans le reflet de la médaille d'or. Petit loin, tellement loin des larmes. Et des pucerons, on prend de la hauteur pour leur lâcher des purs bons. J'ai donné plus de punch que cet enfoiré Tyson. Mais j'ai toujours bonne mine dans le reflet de la médaille d'or. Petit écoute, gars, je n'ai pas le temps. J'esquive les attentats, j'esquive vos sons avec un pas d'ange. J'avance, pas de chance, la tienne attendra. Je me démarque des autres, c'est presque marqué sur ma tête. Les phases explosent, même si je reste expert dans l'assemblage. Est-ce que vous pouvez penser? Ouais, dans le fond, je m'en bats la race. Et je fais ça pour que vous dansiez sur les chansons de la mascarade. Ça fait par cas, tige au bec, j'en déplace et me casse. Et par les toits, j'ai les faces toutes cramées. Je contrôle le magma, style North Face. Faut faire vite, l'heure tourne, trop technique. Je viens déplacer les pavés comme les Cockney de Liverpool. Y'a des combos. C'est tragique, rime aux mille facettes. T'entends le son des mitraillettes quand Billy Budd contrôle les machines. Pas de compromis possible, moi j'attaque vos rimes dans les pattes. À force de se crever la tête, on s'atrophie l'encéphale. À force de se creuser la tête, on s'atrophie l'encéphale. Rime drive et vers le futur, style Ryan Gosling, Gangster Squad. Moi j'ai pas le time, je suis le meilleur des pivots. Nique tes rivaux, je place des ciseaux dans leur Lucas Zlatan. Ça zigzag dans les rues de Paname. Vite frappe, c'est une pute nec. Pas mal, ça bicrave dans les rues de Paname. Les flics passent plus qu'une boulette, pas mal. Pas le fou bête, barre-toi. Je lâche des bootlegs par toi. C'est pour mes oulettes, mes poulettes, moi. Quand je fais des doux rêves parfois, m'en voulez pas, c'est ma génération. On les voulait que ça se voit. On passe du rire aux larmes dans ma ville le soir. Pour un petit regard, des types se braquent. Qu'est-ce qu'on est bourré de mal là? Bourré de mal, bourré de mal, bourré de mal. Je te parle de mon time. Gars, préfère la maille plutôt que les vacances. Gérer les placements. L'homme poil dans les bacs. Hein? T'as fait chaud ça, Seigneur. Faut que t'es un peu toi tout seul. Pour l'élégance et la douceur. Douceur. Quand je m'élance les balles fuseuses, qui voudraient se me péter à plusieurs. Plusieurs. Si j'en suis là, c'est grâce à moi-même. Parler pas de passer la moyenne. Quand tout seul, les soucis mal pagués. Ces petites putes en rêvent de faire carrière. Carrière. Je te les faucher que l'enfer, c'est les autres. Je suis dans ma bulle sédentaire et la zone en esquivant les zoulous, les frères en m'épaule. Faut que le sang coule en resserrant les taux. Baisse le rap, je suis monté par état. Je baisse le rap, ne parlez pas de victoire. Je m'exprime les rimes, c'est ma drogue. Moi, je pense au bif qui m'attend. J'ai la carcasse, la race que t'as pas. Défiler en pareil les lattes de ta gamme. Dégrader les rues, les rumeurs, la randa. Plus ça dans l'humeur et mes refs, me pas le port d'armes. J'ai dû faire avec mes gavards fréquentables. Ouais. Desserrer les vis, c'est difficile de prendre part. Je dois faire sans savoir, mais sans sa part. Dans de grands apparts, on a des choses à voir. Ouais. Aïe, yeah. Est-ce que tu vois ce qui se passe, frérot? Le H. Ouais, est-ce que tu vois ce qui se passe, frérot? Je vous ai vu changer de conscience aussi. La pierre derrière tombera sûrement dans l'oubli. En attendant, j'ai plein de pays à parcourir. Yeah. Afin de les anéantir, les faire mourir. Moi, je reste habile en attendant l'éternel. Sans jamais dériver des principes de l'éphémère. Je m'assimile à une conquête qui permet de m'envoler aussi haut que le sommet de l'Everest. Et je crame mon avenir qui me guide vers une atmosphère aussi bizarre que sympa. Ouais, je braque la tirelire qui habite. Assez de monnaie pour que je gagne une villa. Y'a de la mise dans la partie. Ma mission est de mettre Panama à l'abri, bitch. Vite, faut qu'on quitte ces places assises afin de s'envoler vers le paradis. Bliss, terrible et téléguidé. C'est tiré dans mon crâne, j'ai médité, prémédité. Décimé tout ton rap, éclipsé, j'ai dérivé. Dépisté toutes mes tares méritées. Décidé, j'ai existé dans le noir. Yeah. Rien de semblable, rien ne pourra jamais égaler mes collègues. Je rêve de quand se va faire pleurer mes remparts en espérant que demain je leur apporte le soleil. Bah. Aïe. Aïe. Ouais, ouais. Saoulé. Oh, c'est chaud ça. Yeah, yeah, yeah. Écoute ça. Donc, personne prend le mic. Doumam, c'est allé, tu sais que les tasses. Je leur mets des coups de pied avec mes. Putain, c'est quoi les boys? Toujours en impro, moi j'arrive et je passe. Je n'ai pas de casse, mais rien à foutre. Tu connais que Doumam, c'est le meilleur dans la place. Là, y'a juste Alpha qui peut tester en impro. Sinon, je vais lui mettre une petite trousse. Tu connais que je suis synchro. Donc, c'était un. Super léger, juste pour le titiller qui se réveille. Sinon, là je vais l'allonger. Juste après quelques punchers, personne veut rapper. Donc je vais tous vous enculer. Regarde mes doigts bien levés. C'est quoi les bails, Fred? Est-ce que t'es de la partie? Pour seigneur de l'homme pâle, oui, la famille. Gagne Frémont, ne mets pas le casque. Gagne Frémont, ne mets pas le casque. Gagne Frémont, ne mets pas le casque. Gagne Frémont, ne mets pas le casque. Morgan Frémont, pas le casque. Morgan Frémont, ne mets pas le casque. Morgan, ne mets pas le casque. Morgan Frémont, ne mets pas le casque. Je mets pas le casque, mais quand je baisse des tasses, c'est sûr que je vais la mettre. Tu sais que là c'est naze et là je repartis. Rien à foutre, c'est le maître. Donc là on est parti en impro. Et là je me tape des bars. Le freestyle il part en couille. Mais tu sais que je lâche des phases, des flammes, il faut que je crame. Vas-y, balance à l'impale. Qui reprend le mic? Vas-y. C'est l'arrivée d'un nouveau tueur, d'un nouveau règne obscène. Ils savent que malgré mes sautes d'humeur, je suis quelqu'un de professionnel. Ici les fillettes parlent direct, ça tape sur le système grave. Alors on passe les muselières pour que les vilaines chiennes ravalent leurs filets de bois. Avec un calibre et des plombs, les pacifistes pourront planer jusqu'au ciel. La vie fait des bons, j'ai vu mes opposants prendre la fuite alors que je n'avais contracté qu'une paupière. On aime faire paniquer les cons, à l'arrivée des comptes on paraît plutôt fier. C'est la guerre qui t'a dit qu'il fallait gaspiller des ronds pour fabriquer des bonbons, on a des tutoriels. Je m'accapare leur terrain, je les ai vus inquiets. Puis je tire sur leurs chevilles pour qu'ils n'y remettent plus un pied. Tous les autres clans de merde sont dans le pétrin. Car j'élabore une danse bercée par le chant de mes flingues. J'aime entendre mes flingues chanter. J'aime entendre mes flingues chanter. La la la la la. Est-ce que t'aimes entendre tes flingues chanter? La la la la la. Tout le monde aime entendre ses flingues chanter. Eh monsieur Poulon, ça sent peut effacer 6, pas possible d'effacer ça. Les gens quand mes gars résistent, passent des sticks et tapent des barres. Les gars, oui, c'est pas des blagues, les gars, les villes sont pas paisibles. Les frères des teams et pathétiques, des tapes des vices, dépassent les lois. Mais j'pète des câbles, des fois reste chez Walt et Metal. J'teste des phrases et des phrases qui prennent le pape et ses fans. J'aime des femmes, mais des fois j'préfère le rap. Et mes pattes avec mes frères le soir pour kicker des textes et Skyrock. Nous le savons, nos pensées réunies, c'est sûr qu'on fera très vite trembler les murs comme les lampes sous le savon. Mais ils poussent à fond, de son âme. Aïe, on connaît, l'homme pâle est dans les bacs, frérot. Parce que t'es moche, j'ai décidé de pas t'aimer, t'as le zen à faire chat, à virer n'importe quel bateau en mouvement. Ton père est pédophile, ton oncle fait des attouchements. T'as la face d'un nouveau-né qui est béton à l'accouchement. Même refait, tu serais moche, à ce qui paraît, ta femme est enceinte. Je veux pas voir la tête des gosses. Tu peux faire ton vœu, mais elle file l'étoile. Je dirais même que les tétraplégiques ont pitié de toi. Carrément pour ta famille, l'État a fait des dons. C'est grâce à ta tronche qu'ils font de l'argent chaque année, le téléthon. Tu te prends pour un beau gosse, mais t'as une tête de bille. Tu es pas le seul à l'affirmer, merde, même ta mère le dit. Ouais, Panama Bendé, 14ème sous les ronds du bois. Je me ferai une joie de devoir te canner, mais je crois que ce soir j'ai la flemme de faire quoi que ce soit. Pas de choix de thème, à toi de voir. Je m'assois deux fois sur sa tête, je prépare la mixture qui brûle, promis juré. Croix de bois, croix de fer. La force en triple, je te broie le cerveau, je m'explose. Il serait temps que je diffuse de belles prose, même si c'est sans issue. Ambiance de fête foraine. Pauvre merde, on va te crosser, bro. C'est tes pommettes avec du velcro. Garde tes problèmes, je m'en contrebalance. T'as pas une once de talent. Avec ta tronche de quarantenaire, tu comptes me battre. Enseigne-toi du trône de Ganon. Un tour de cadran à ma montre, je fonce sans conséquence, je te plombe le bas-ventre. La soupe est chaude, la louche est prête. Un couplet de plus, ça vous énerve, tant pis. Le but utile, c'est de vous faire grandir. Sortir l'album déboule la grande foule et Gilles vous fait la porte entrouverte. Laissez dans le décor ou le déconne. Souvent, je rassure mes potes, je suis là, j'assume mes fautes. La haine quand je le rappe sur des prods. On est là, c'est de vos manigances. Pareil pour la maille, tu danses. Pour le moment, j'ai pas d'audience. Bref, je suis ce garnement secrète qui traîne, rêve d'oseille. Des belles bennes honnêtes, si tu nous respectes, on t'aide. Bah ouais, ma gueule, j'ai pris le train à l'heure. Paris m'accueille, d'arrive à l'heure où laser, tu m'appelles. Pour l'hématome, dans ma grotte, on innove. Mes gars sont cadenas, ces crates sont les sous. Mais t'inquiète, on est hal dans le son. C'est pour mes braves dans le trou, pas pour les schlags dans le four. Mes René, glace en foot de tous vos placements troubles. Que des rafales, de face des écrits banals. Des faces violents comme un sable. Je m'évade, rare comme une attaque de basse. On est banal de face, les plans s'effacent après le mix. Eh, y'a que les chiens qui ont pas les idées fixes. Y'a que les chiens. Écoute ça. Me parle plus d'amitié. Pour dire vrai, tout ça, ça me dépasse. Donc laisse-moi. Avec ma mif, j'ai l'espoir de les mettre bien à vie. Non, je veux pas ta pitié ni ta grognasse dans le 8ème. En fait, moi, c'est pour ma mif que je vicra pour les mettre bien à vie. Marjane, la nicotine, c'est ma petite copine. En partant de ce point de vue, tu serais que je suis plutôt clean. Donc voilà, beurre, pas de fine colline dans nos baladeurs. Et nique sa mère, vas-y, balance ça, le donne, dada. On arrive lourd comme des dragsters. J'ai le Gildas qui donne l'asthme. On les nasme dans des nerfs max 9. Avec un phrasé gentleman, ce truc c'est le faire. De mon cabas, si tu cherches le mec qui gère ce merdier, méfie-toi de l'eau qui dort. Dans l'écurie, la collection de polo qui dort. Vois un eau qui dort. On sportifie pour 2014. Flamme bleue, super nocif sur les novices. Du un commissariat que tu. Hey, tu taffes avec la police. La fitoie me cette tête et je ponge la victoire, nous célébrons. Hey, faut que tu saches, je suis pas un soliste. On pousse le vice, on court le risque. On veut des BM intérieur coco et rouge cerise. Oui. C'est mon cavalier là. Cavaliero. On veut des Ferrari Lamborghini. Oui. Ferrari Diabolo. Devant en avant, devant en arrière. Tiens ton fusil, allons-y. Tout le monde. Devant en avant, devant en arrière. Tiens ton fusil, allons-y. Bang bang. Devant en avant, devant en arrière. Tiens ton fusil, allons-y. Chemin tracé devant moi. J'ai fait le choix de croire en des valeurs. Je pense qu'il n'est pas l'heure de sabrer le champagne. La vie m'apprend à ne pas tirer trop de jugement. Ativiji m'a dit prudence l'ami. Eux ils se foutent du sens, mais ça fera sûrement la diff. Pour garder le sang froid je chante. Je prends le vandalisme comme un second langage. Et je commence à croire que l'on ne se comprend pas. Si c'est pas le moment, à quoi ça sert qu'on en parle. Mec, je connais la panne tant que je laisse la page blanche. Quand c'est mauvais, le problème c'est que je me fais remarquer par mon absence. Soyons honnêtes, les vacances on n'y est pas. Même si nous voyons se creuser une avance considérable. L'agnon c'est compliqué à saisir. J'apprécie plus de la même façon, mais je vais continuer à écrire. Notre agglomération, c'est le contraire de l'Amérique. Allons réciter là, le son à ses pitres. Faut bien que le meilleur et le pire s'affrontent. L'ambition n'attaque pas de face. C'est toujours dans le dos que les poignards fusent. Donc il t'endort, c'est le roi de la flûte. Les yeux vitreux, lit de vicieux. Aime les films pornographiques, veut vivre comme un demi-dieu. Il baisse des nippes en plastique, un fétichiste. Il prend son pied quand il s'en prend au faible. Il agrandit son cran, fétichit dessus. À chaque fois que sa petite elle le rend inférieur. La noirceur, le tirail de l'intérieur, négro. C'est un vicieux. Le vicieux. Deux pas en avant, deux pas en arrière. Tiens ton fusil, allons-y. Deux pas en avant, deux pas en arrière. Deux pas en avant, deux pas en arrière. Tiens ton fusil, allons-y. Si t'entends du bruit, c'est qu'on est dans les parages. Je parle pas gros, j'agis, c'est pas mon truc, les bavardages. La mif avant le bif et le bif avant les bitches. Fais le fou avec moi et tu repars avec des gifles. On n'est pas trop amis, je te calcule pas trop dans la rue. Gros, y'a qu'à Miami, tu vois des tasses à chaque coin de rue. Si tu nous reconnais pas, viens faire un tour dans notre arène. Un putain de secteur vif, tu veux Hajav dans le 14ème. Je requis qu'une deuxième fois, tout ça pour mes gars. Va. Vas-y, monte dans la Gova, tu verras ce qui se passe. 9ème, 10ème, c'est le bordel. Cache ta rime avec carnage et moto long, y'a que des braquages. Fuck les stars et les poucaves. C'est hack, hein. Au micro, j'ai la rage. Je rends hommage à mon gars Vadoum. Check, check, check, Doom. Dans ton loop, hein. Mousco, c'est la fin, c'est la fin. Aïe, aïe, aïe. Putain, on a débordé. On a débordé, c'est pas possible. Alors, c'était bien, non? Mon gars Salad. L'homme pâle au contrôle de la nature. On est le chercher. Tous les soldats ont craché leur feu là. Rappelle-nous l'homme pâle. Donc il y avait au micro, il y avait Dooms. Alors il y avait une grande famille. Hein. Déjà les plus proches, on va dire, c'était Dooms, Keroué, Alpha One, Hakim, KLM. J'oublie. Après j'ai ramené aussi des frangins un peu plus éloignés, ouais. Mais que je commence à connaître, que j'apprécie fort. Panama Bende, je pense à PLK et Aladdin. Il manque en main. Ça fait une âme, bien sûr, que j'ai oublié. Comme un ouf. Et Tonio et Motas de la famille, hein, le quartier, tout ça. Mousco, Hagin. Eh bien, merci à toi en tout cas, l'homme pâle. On rappelle qu'il y a Paco. Il y a Senior qui est dans les bacs. Senior est dans les bacs. Voilà, si vous voulez écouter du bon rap, achetez ce CD. Si vous voulez écouter du bon rap en concert, il y a le concert de la 75e session. Tous les Parisiens, toutes les Parisiennes, le 17 octobre, il y a 75e session au complet. Panama Bende aussi qui était ici là. Voilà. Et très sarcastiques qui viennent de Suisse. Donc voilà, c'est vendredi. 17 octobre au Petit Bain, 18h30. Voilà. 17 octobre au Petit Bain. Merci à vous en tout cas. Il y aura sûrement. Les salopes, ajoutez-moi mon Facebook à Cos Muchacho. Merci l'homme pâle en tout cas pour cette aventure. Merci à toi Fred, c'était une bonne soirée. Et c'était bien, non? Fais le feu. Bien vu Fred. Ciao. A bientôt messieurs. Bonne soirée. Ciao, c'est fini pour la nocturne ou presse, puisqu'on continue pendant une heure de son 100% rap français après l'homme pâle. Et on débute avec le son qui est arrivé cette semaine, celui de Caris. Maintenant c'est le Sevrac. Planète Rap, 100% rap français. J'ai dans ton anus et je pousse encore avec mon phallus. Il était temps que tu traces et t'arrêtes. Tu n'as laissé que le trône et la trace de taré. J'ai le numéro 1, j'en fais le pari. Je défonce le rap français depuis la tarie. Plus 43ème bima, aucune avarie. Y'a 963 chevaux dans ma rari. J'suis connu dans toute l'Afrique comme Tupac Fali. Illuminati comme Tupac Akali. On sort du zoo et on encule d'Altari. Tu me suis et j'éjacule sur ta carie. 2-7-Z2R au squad. Un double fois que j'croise des WAD. Isolation phonique, ça sent la chronique. Thérapie, musique, t'as chaté moi. J'suis dans la cabine, tu dois me féliciter. En séance, tu gaspilles de l'électricité. Beaucoup d'envie et de jalousie. Susciter le cul du mouvement que je dois ressusciter. Je dégaine plus vite, je dois anticiper. Ton règne est fini depuis l'antiquité. Robe noire, je bats tout aiguesné. Je leur nique la queue, je n'ai pour la mixité. Et je mélange. Faut que smic, vend de la drogue, faut que je smic, faut que je mange. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Et tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques. Gros billet sur ton gros cul n'est qu'un face caché de l'iceberg. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. Tu ne fais que pousser des hits, tu ne fais que sucer des beats. Mon gang est resserré comme dans le PKK. Tes fesses sont écartées comme dans un FKK. Abidjan, Brazzaville et Dakar. Chaud comme les Boko Haram et Fatah. J'ai un nouveau Glock avec deux chargeurs. Large et le torse dans le débardeur. Pour tailler la barbe, pour un sécateur. Peut faire une DP sans qu'il y ait de hardeur. Grosse auto, faut du coco. J'suis tout le temps à la pompe à essence. Tes potos sont dans le froco. Ou tout le temps convalescence. Automatique, une seule fois je presse. Trop feignant pour passer les vitesses. J'serai le coupable et le complice. Mon fils va tirer sur ton fils. Mes douilles atterrissent sur la lune. Et tes couilles atterrissent dans le presse à grume. Gros, j'tombe dans le vide. T'as lâché comme le guide. Le son est tellement lourd qu'il est d'une obésité morbide. Moi je veux des zéros, je te parle. Et c'est déjà trop d'honneur. T'as des zéros. MC t'auras jamais tableau d'honneur. Y'a des putes sur le net. Ça veut jouer les boycotteurs. J'marque des putes avec ou sans vocodeur. Et je mélange. Faut que smic, vend de la drogue, faut que smic, faut que je mange. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Et tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques, tu twerques. Gros billet sur ton gros cul n'est qu'un face caché de l'iceberg. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage, salope.

s'entretuer pendant que mon check à on se serre et le coup tu vas blaguer son père. Vendu rêve à son père, tout le check à c'est que tu roules en l'air. Tu fais peur à son père, tu vas tirer sur son père. Ma parole, tu peux ranger ton Glock. HP dans les boîtes, dans les putains de blagues, dans les putains de balles. La zec est vague, comme cette putain de double. Profit, c'est en bas. Dans les boîtes, dans les putains de blagues, dans les putains de balles. La zec est vague, comme cette putain de double. Mes phases et mes flots, tirer sur mon bédo. Être dans le bloc, apprécier dans le ghetto. Baiser les mêmes dos, traîner dans ma bande. Partir plutôt comme bang dans le bendo. J'ai la plume à Rimbaud, j'déploie comme Rambo. Mais la tête attache, très fine, pensoir dans le dos. J'ai ce qu'on appelle le bang bang flow. Je qui est revenu, mais t'as mon bang défaut, négo. Bah les coups, besoin de personne. Aucun de ces négos ne m'impressionne. J'suis venu ramasser les gros sommes, ils se demandent qui nous sommes. Les euros s'additionnent. Aucun de ces poules, je n'affectionne. Quand j'ai la mort, est-ce que c'est Wesson? Faire du sale, c'est mon job. Moi, c'est Malécal, job. Dis le fils du coup de Boulogne. MZ est dans le building, j'en la haine en eux. Parce qu'on est ces négros qui niquent le rap jeu. Ces jeunes négros qui rappent comme eux, mais en mieux. Une pute à chaque porte parisienne, NNE. Je la prends en le comme une JNNE. Cette salope trouve ma queue aussi bonne que ma bœuf. Parce que les deux la défoncent en moins d'eux. Dans les boîtes, dans les putains de blagues. Dans les putains de balles. La zec est vague, comme cette putain de double. Profit, c'est en bas. Dans les boîtes, dans les putains de blagues. Dans les putains de balles. La zec est vague, comme cette putain de double. Profit, c'est en bas. Tu vois pas les coups, besoin de personne. La nocturne. Au boulevard de Hesse. MK is a production. Au boulevard de Hesse. J'habite, réside dans les 64 boulevards de la Hesse. J'habite, réside dans les 64 boulevards de la Hesse. Dans ma tête, je suis déjà vieux, j'ai même plus pourquoi j'ai la haine. Le soir je demande pardon à Dieu, le lendemain matin je fais la même. Depuis petit, je vis la nuit, la lune est devenue mon soleil. Pour résoudre mes ennuis, je réfléchis même dans mon sommeil. Ils jouent les gangsters mais ces gars sont innocents. La rue nous respecte parce qu'elle a vu couler nos sangs. Habitué au risque, on a perdu les notions. Anesthésie au shit, on a même plus d'émotions. Perquise, expulsion, chez nous c'est la routine. Maîtrise de pulsion, vénère à la poutine. Plus que Marley, mène la vie de Marlo. Arrête de parler, c'est la mot parlu. Pas du 6, sur scène on fait le feu sans artifice. On aime les poulets que dans les boîtes de 6. Ici personne te drague, y'a que les balles qui tiffent. Des familles et des toxicos dans les squats. Des mineurs bourrés cachés dans les squats. C'est pas un son, c'est une partie de notre histoire. Et si la jalousie a égorgé l'espoir. J'habite, réside dans les 64. C'est la race, la chaîne, on voit ses mères terrées. Chacun son pécule, c'est comme au Canada. J'habite, réside dans les 64. C'est la part de la haine dans tous les quartiers. Désolé monsieur, là jamais j'ai pas la blague. J'habite dans les 64. C'est la part de la haine, on voit ses mères terrées. Chacun son pécule, c'est comme au Canada. J'habite dans les 64. C'est la part de la haine dans tous les quartiers. Désolé monsieur, là jamais j'ai pas la blague. C'est la haine, c'est chaud, on voit ses mères terrées. Chacun se pécule, c'est comme au carbla. C'est la vente de stup dans tous les quartiers. Désolé monsieur, là jamais j'ai pas la placard. Pour un mec sous gun qui arrache le terre-terre. Quand la dalle qui faut se dépose au casse-dame. Pour un mec tout sous, comme ma belle fille sous. Qu'on essaie du sang, mais pire qu'un cartage. Dans la ville, on va lutter, dans la ville, on va lutter. Dans ma ville, c'est spé, claqué déséquilibré. Des bâtiments d'elle après, qu'on des recours sous les pieds. Qui disent comme tes porcs, mais qu'on rien à célébrer. Pour un mec que jamais fait de porc, les basanés qui tordent. Des Sénégalais régalés, qu'on la force à mise clore. Pas d'enrue, c'est folklore, mais j'ai vu des bygores. La famille, c'est pas du ciné, j'ai ta pas de popcorn. Hey, tu veux tester la clique, viens du mordor. Gros sur un hors-bord, PS bar blindé comme les transports. Les couches lasses dans la net et c'est l'ensemble. Les quêtes plates dans les hautes mais qui sont forts. Des 1-1 à l'arrache mais sans cambox. Le vacarme et les nuits sont sonores. Si t'entends plus de bruit c'est la pause comme ça. Dans la nuit je suis dans les pattes sous risqué. La son euro ressemble à celle de Brooklyn. Père qu'on est bourré donc on fait les cours. Fonce pour donner la zone qu'annoncé est calé. Baisse comme un que mec a pété les ponts. Chez conquête peu qu'on a quitté la rue des banques. Qu'est-ce qu'on se lève y'a qu'avoir le fond des bâtiments. Gros c'est la fin du gain que les années de raqueter les banques. Je traîne ma couleur et bentaille mais j'ai fait la guerre. On marche plus des kilomètres pour faire les millions de billets. Gastra les BPM, cache tes malais des gains. Black on est prolétaire, crash mais c'est dans les veines. J'habite dans les 64. C'est la haine, on voit ses mères terrées. Chacun son pécule, c'est comme au Capla. J'habite dans les 64. C'est la part de la haine.

j'entends, tu la broides sur ma boîte GNL. Je me suis pris une grosse claque. Ne fais pas trop le gourmand quand on te fait gémeaux ou tu vas ralas. Les clashs, les pics, c'est mort. Demande à Jay-Z ou à Nas. But coupe à l'épée d'Amoclès. Déterminé depuis mon plus jeune âge. En gros, toutes celles qui admirent Zaya seront les boss du pigeonnage. La vie n'est pas un enfeuf tranquille, c'est dans la zermi que je nage. C'est qui jacques jamais en face. Sont pas des gangsters mais des lâches. J'suis pas à cause de la patrie, mon enfant soldat comme mon pote gros. 9-2 depuis la nuit de ton numéro uno au gola virage. Pas de larmes de joie mais que de la tristesse quand je pleure un défunt. En boîte sous les quais c'est animé, bitch je veux pas te faire un dessin. J'aime les kiss mais les babes tous les beurettes en gros sel qu'ont des gros seins. Ma tête de Z sur ta poitrine, tes ailes me sert de coussin. Pas de larmes de joie mais que de la tristesse quand je pleure un défunt. En boîte sous les quais c'est animé, bitch je veux pas te faire un dessin. J'aime les kiss mais les babes tous les beurettes en gros sel qu'ont des gros seins. Ma tête de Z sur ta poitrine, tes ailes me servent de coussin. En week-end ça sort des locks, sur la route ça se prend pour des gros pilotes. Notoriété fin JLV, élément qui attire des gros pilotes. Sera clos la peine avant la mitaine, mon bien qu'elle s'est mise sur off. En gros elle a le sourire devant les grosses liasses et la siroc. Big up Pascal, ce génération Fred, Moussa, Skyrock. Mon skeg c'est une grosse meharge, t'envoie une rafale juste en dessous de ta robe. Rien à foutre de te faire la morale, sale garba, moi je suis pas ton rep. Hachette, je me touche le skeg que quand je pénètre, quand je sub. Le vrai bonheur se trouve pas dans le matériel, mais dans les choses simples. T'es mécra comme quand tu shakes du pilon dans les chaussettes. Fafafork le rêve américain, le Texas c'est le Massachusetts. Overdose musique, Jim Nyama, ça, je mets récit 5 sur 5. Pas de larmes de joie, mais que de la tristesse quand je pleure un défunt. En boîte sous les quais, c'est animé, bitch, je veux pas te faire un dessin. J'aime les kiss, mais les babes, tous les beurettes en gros sel, qu'ont des gros seins. Ma tête de Z sur ta poitrine, tes ailes me servent de coussin. Pas de larmes de joie, mais que de la tristesse quand je pleure un défunt. En boîte sous les quais, c'est animé, bitch, je veux pas te faire un dessin. J'aime les kiss, mais les babes, tous les beurettes en gros sel, qu'ont des gros seins. Ma tête de Z sur ta poitrine, tes ailes me servent de coussin. Planète Rap. Sa mère sans sommation, un de prend soleil.

J'suis de l'école dans la rue, le showbiz ne m'a pas eu. J'ai fleuri sur terre brûlée en arrosant l'espoir. J'suis un rêve pour certains, pour d'autres un cauchemar. Sorti de placard, mais pas sorti d'affaires. Au bord de la crise, on jette dans les chutes de l'enfer. Qui veut me voir si plus sous terre n'a pas fini de m'entendre. On ne m'a pas pris à aimer, ma tour est dure en cendres. À l'allure des balles sifflantes, des arrestations violentes. Ghetto YouTube progresse, de janvier à décembre. La vérité n'a qu'une voix, tout niquer, je n'ai pas le choix. Ces FDP veulent te dérouter quand t'es sur la bonne voie. Le cul entre la lune et la tombe. Je garde un œil sur le rétro, l'autre sur ma montre. J'aurai la vie malgré qu'on y arrive. J'ai dur que je fais, je consacre pour ma mif. J'suis devenu ce que j'ai pu, j'ai imposé ma griffe. Tout ce que je te raconte, c'est rien de commun. Moi j'ai écouté quelques sons, c'est du très très très lourd. Dans ce qu'il dit, c'est du vrai, ça touche notre vécu à tous. C'est un mec du 9-4, c'est le poteau, c'est le frangin. Et sinon, bon, franchement, il est mortel. Mon omniprésence dérange, je suis persona non grata. Leur trône, c'est leur chiotte, demande à Tata. Je m'arrête que pour la salade, musicalement malade. Un jour j'arrêterai pour me recueillir sur le mont Arafat. Moi j'ai grandi, Iqbal il m'a vu tout petit, t'as vu. C'est un des premiers qui m'a tendu la main. Bref, on s'est compris. Au premier abord, il y en a qui vont pas l'aimer, mais ils le connaissent pas, t'as vu. Moi je sais que c'est un mec qui a la main sur le cœur, je pars en connaissance de cause. Belle sera la mort, le jour de mon enterrement sera certifié disque d'or. Je fais prier ma négritude, Ika Césaire s'endort. Je kick sale sur cet instru pendant que mes gosses s'endorment. Autodidacte, je fais pas de mentor. Les flammes en rose finissent dans la gorge des alligators. Je sais ce que c'est d'exister dans l'ombre de quelqu'un. Charbonne sans croire plus que vous, tel est mon destin. Durer la vie, malgré tout on y arrive. Chaque jour que je fais, je me consacre pour ma mise. Là maintenant, il vole de ses propres ailes. Et puis comme son album le dit, bah, c'est nos limites là. Donc je le trouve beaucoup plus posé, beaucoup plus mature. Ses projets ont un sens beaucoup plus spontané comme ça. C'est plus, il est livré à lui-même. Car j'ai grandi dans la zone, l'homme laser mis en prison. La jalousie et l'envie détruit les cœurs des hommes. Plus chaude sera l'embrouille, plus froide sera la vengeance. Les frères disparaissent trop tôt, comme ces étoiles filantes. Trahison, déception, m'ont rendu parano. Fidèle comme Provenzano, rien à me reprocher. Je suis bien dans mes Galliano. Mon ego me satisfait, pique à casse sous clé. Je tape dur, aucun morceau n'est bâclé. Producteur, éditeur de mon succès. Crié de Marseille à Bruxelles. Les ghetto youth récitent mes textes. Le soir fond dans leur caisse. Du nord au sud, l'est à presse. Partout le malaise progresse. Roule ton joint, laisse-moi faire le j'aurai reste. J'aurai ma vie, malgré tout on y arrive. J'ai dur que je fais, je le consacre pour ma vie. Je suis devenu ce que j'ai pu. Je pense que c'est ce qui définit en fait Iqbal. Il a cette vision que d'autres artistes n'ont pas en fait. Il a un temps d'avance. Pour moi j'adhère à 100%. Artiste numéro 1, rien à dire. Pas rappeur numéro 1. Je dis bien artiste urbain, allez on va dire artiste urbain numéro 1. Pour moi, pour ma part. 100% rap français. Planète. La nocturne. Et je suis une industrie, bitch. XP bar. Je m'exprime au premier degré, je ne laisse ni le blé ni l'amour m'aveugler. Je rappe pour de vrai, je m'approprie les trophées de force ou de gré. Tout est millimétré, nos contentieux mènent à Bichard Robert de Bray. Aucun regret, sauf quand j'aperçois des locaux comme idolâtrés. La folie des grandeurs va m'avoir à l'usure. Ma folie c'est rondeur, l'odeur de la luxe. 300 000 au compteur, incendie mon moteur. Je couvre comme une rancœur, quand mon cœur se fissure. J'ai qui tient les ficelles dès l'enfance, mon talent est d'une triste blessure. Y'a du monde à viser et des nouvelles recettes. C'est la MS-17 qui te brise le fémur. 20 piges, pieds du mur, corner. Cagoulé sur la hornette. 4 pétailles dans la corvette. Les rappeurs baillent au corneille. En air, t'as silence, honneur. Poukito, je te montre en l'air. L'élite arrive, arrive, allure. J'ai la dame, je viens du corner. Respect les seigneurs, l'insolence est borgne. Le silence est d'or, car le silencieux dort. Y'aura pas mort d'homme, petit tu te demandes pourquoi les grands te forgent à la loi du plus fort. La rue n'est pas un jeu, tout le monde n'a pas ton âge et des gens vont plonger. Si tu perds tes couilles à deux pas du coffre fort. Là ce que j'ai sous faire toute ma life. La vingtaine, pas d'enfant, pas de wife. J'prends le micro toute la night. Paranoïaque, schizophrène, insomniaque, vide ma life. Pique que j'suis sur le corner. Pique que j'suis sur la hornette. Arme serre sur tes pommettes. Pique que j'suis sur tes côtelettes. Pique que j'suis sur le corner. Pique que j'suis sur la hornette. Arme serre sur tes pommettes. Elle veut pas toi, Vico, c'est ma bitch. Je crois qu'elle cherche un homme riche. Elle aura Clotel, une paye, un sandwich.